Quand j'étais tout petit, j'étais un beau poussin. Un peu plus grand, devenu coq, je me suis fait plumer. Après, l'on m'a pris pour un mouton, j'ai été tondu. Et maintenant, rien n'a changé depuis, me voici une vache allée. La chrysella, la chrysella, la chrysella pour toi. Tu dois y penser, tu dois la gérer, mets la main au porte-monnaie. La chrysella, la chrysella, la chrysella pour toi. Tu dois te saigner, tu dois banquer, nous sommes des vaches allées. Employés, artisans, commerçants et retraités, avec moins de moyens, la crise est liée. Que l'on cesse de nous traire, nos tétines sont irritées. L'on ne pourra plus acheter, nous sommes des vaches allées. La crise est là, la crise est là, la crise est là pour toi. Tu dois y penser, tu dois la gérer, mettre la main en porte-monnaie. La crise est là, la crise est là, la crise est là pour toi. Tu dois te saigner, tu dois banquer, nous sommes des vaches allées. Beaucoup d'entre nous se saignent pour avoir un toit. Attention qu'ils ne s'effondrent sous le poids du foncier. Les pâturages deviennent maigres, nos mamelles s'atrophient. Paître devient difficile, on ne peut que ruminer. La crise est là, la crise est là, la crise est là pour toi. Tu dois y penser, tu dois la gérer, mettez la main au porte-monnaie. La crise est là, la crise est là, la crise est là pour toi. Tu dois te saigner, tu dois banquer, nous sommes des vaches allées. Nous autres mammifères comprenons qu'il faille du beurre pour le besoin d'un régime, et pourquoi nous mettre les sangsues. Certaines grosses laitières privilégiées gardent tout leur lait pour elles et veulent nous le piquer. La crise est là, la crise est là, la crise est là pour toi. Tu dois y penser, tu dois la gérer, mettez la main en porte-monnaie. La crise est là, la crise est là, la crise est là pour toi. Tu dois te saigner, tu dois banquer, nous sommes des vaches allées. Si beaucoup de défavorisés ne peuvent être traits, on ponctionne toujours les mêmes, c'est la facilité. Nos petits vos génies, s'il faut les élever. Messieurs les financiers, nous sommes des vaches allées. La crise est là, la crise est là, la crise est là pour toi. Tu dois y penser, tu dois la gérer, mettez la main en porte-monnaie. La crise est là, la crise est là, la crise est là pour toi. Tu dois te saigner, tu dois banquer, nous sommes des vaches allées. La crise est là, la crise est là, la crise est là pour toi. Tu dois y penser, tu dois la gérer, mettez la main en porte-monnaie. La crise est là, la crise est là, la crise est là pour toi. Tu dois essayer, tu dois banquer, nous sommes des vaches. Allez. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un troisième CD.